Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Durant mon expérience à Choix Radio X, qui a quand même duré près de 7 ans, j'ai eu la chance d'aborder plusieurs sujets au niveau du monde du cinéma avec Yannick Marceau. Bien sûr, un de ces sujets fut l'univers du stop motion, dont je vous présente ici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. C'est une entrevue qui remonte en août 2018, quelque chose que j'avais fait dans les studios de Choix Radio X à l'antenne de l'émission Marceau le soir. Rire de rire de moi. Non, jamais. Faut arrêter de rire de moi. Jamais. T'as le droit de rire de moi, je ris de toi certain. Ouais. J'ai pas une mémoire... J'ai une mémoire sélective, mais ah oui? J'ai pas une grosse mémoire. Tu sais, parmi les gens qui ont de grosses mémoires, André Arthur a une mémoire titanesque. Ouais. Puis je peux même mettre Christian Page dans la même catégorie là, pour ce qui est de la mémoire qu'André Arthur. Assurément. C'est des gens qui, même en n'étant pas préparés à parler d'un sujet, vont te parler de choses extrêmement précises avec des dates, avec, tu sais... C'est presque impossible aujourd'hui. Puis moi, j'ai pas eu à travailler ma mémoire nécessairement, mais nos grands-parents, eux autres, tout était, c'était ouais. Du travail de mémoire constamment. Puis nous, on n'a jamais appris à faire ça. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on en a pas autant que les gens qui sont des autres générations. Mais j'ai une mémoire très sélective, par exemple. Si tu me dis d'aller chercher un pain au dépanneur, m'a l'oublié, m'a revu au dépanneur. Tu sais qu'elle m'a dit. Pourquoi je suis là, hein? Pourquoi? Mais des moments précis dans ma vie, là, je peux te dire avec exactitude, là, les chiffres, les couleurs que j'ai vues, tout ça. Je pense qu'on est... Si on pouvait choisir. J'ai Christophe Lassens aussi. Christophe Lassens, ouais, qui a une mémoire c'est phénoménale vrai. Aussi, qui est devant moi. C'est une chance d'avoir ça. Salut Christophe! Ça va? Ben oui, ça va bien. Il a attendu le bon j'ai moment. J'ai attendu. T'es fort. Ta mémoire, toi? Oui, je la travaille. Tu travailles? Je la travaille. C'est ce qu'ils disent. Il faut toujours travailler ça. Faut que tu travailles ta mémoire. Je me rappelle quand on avait parlé de ça à l'époque, tu me disais, t'as une bonne mémoire, puis je te disais, ouais. Quand j'ai recommencé à faire de la radio, ouais. Ma mémoire était vraiment ordinaire et je l'ai fait volontairement de recommencer à faire de la radio pour justement réactiver les neurones. OK. Il y a des fois, il me manque encore des bouts, mais c'est pas si pire. C'est on pas est plusieurs si comme ça. Ouais, ouais ben, il y a l'âge qui se mêle un petit peu à ça, veut pas. Ouais, mais tu dis qu'il y a l'âge. André Arthur, 74 ans. Oui. Puis il y a une mémoire encore. Mais incroyable. Il a jamais cessé de l'entretenir. C'est ça. Ça doit être ça. Voilà. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est comme un muscle à un moment donné. Hein. Mm-hmm. Un muscle, tu vas travailler. Je prends, mettons un exemple, je vais arriver avec un lutteur. Lutteur va faire de l'exercice à tous les jours. Il va 2 fois par jour au gym, puis il s'entraîne, puis s'entraîne, puis s'entraîne. La journée qu'il arrête de s'entraîner, après même pas 2-3 mois, tu vas le regarder, puis tu le reconnaîtras plus. Il est rendu gros comme un bâton. Ouais. C'est, il a tout perdu, sa musculation. Et puis, de recommencer, c'est difficile, c'est pénible. Il va pas retrouver nécessairement la même forme qu'il avait. Donc, le cerveau, c'est un petit peu la même chose. Ah, mais quand je vois du monde qui font des mots croisés, là, les cruciverbis, là, je me dis, t'as, alors, il faudrait que je commence à faire ça. C'est un bon départ. Christophe Lassin, c'était notre expert en film, puis je parlais avec Raphaël tout à l'heure, juste avant la pause du James Bond 25. Oh, il y a Daniel! Il y a du sable dans l'engrenage. Daniel. Oh, tu fais ça déjà sur la faute à Daniel? Daniel Craig, écoutez, quand le gars dit après Spectre, je me coupe les veines avant de reprendre le rôle de James Bond, ça commence pas mal mal. On peut pas le blâmer d'être un petit peu tanné parce que être un acteur qui embarque dans le rôle de James Bond, c'est excessivement exigeant pour la carrière de quelqu'un. Techniquement, il a pas le droit de refaire rien d'autre. S'il fait de quoi, c'est des petits rôles, mais il faut pas que ça nuise à l'image qu'il va donner au personnage de James Bond. C'est-à-dire, excusez-moi l'expression, mais il peut pas faire le plus beau salopard qu'il y a dans un film comme étant le plus cruel, puis faire des affaires vraiment ignobles. Parce que quand les gens vont écouter James Bond, ils vont se rappeler de son visage, ils vont dire, oh, finalement, je l'aime pas cet acteur-là, j'irai pas voir le film. Donc, il y a une pression en arrière de ça. C'est pas pour rien qu'il y a juste 3 acteurs, 4 avec Daniel Craig, qui ont réussi à tenir le coup sur une longue période. On parle de Sean Connery, on parle de Roger Moore, on parle de Pierce Brosnan, et bien sûr, Daniel Craig. Fait que quand Daniel dit « Moi, je vais me couper les veines de mes poignets avant de reprendre le rôle de James Bond », ben on savait que c'était pas mal la fin. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que là, t'as MGM qui, depuis, je pourrais dire, depuis le décès de United Artists, avait pris la relève pour distribuer tous les films de James Bond. Et là, ça va être la première fois que ce sera pas MGM parce que c'est Paramount qui a ramassé les droits de distribution. Mm-hmm. Et quand Paramount ont vu que Daniel ne reviendrait pas, ils ont dit non, on va prendre un petit camion à glace puis on va amener 25 millions de dollars devant sa porte. Plus, on va dire, t'as le droit de créatif sur le choix des comédiens qui vont être dans le film, sur l'histoire, puis t'as ton mot à dire finalement. Et puis en plus, t'as une cote sur les profits du film. Finalement, on donne... De l'or. On te donne tout dans le camion de glace qui est juste en avant de ta maison. Fait que Daniel, ben, aimant la glace, il a dit, ben, OK, je vais y retourner une autre fois. Fait que, de voir que Danny Boyle, qui est le réalisateur de 28 Days, arrivait sur cette production-là, tu te dis, wow, OK, c'est pas du petit calibre de réalisateur, ça va être encore du gros calibre de mise en scène qu'on va avoir pour le prochain James Bond. On se dit, OK, c'est beau. Et tout de suite, dès que Danny Boyle dit, OK, j'amène mon équipe. Et oui, d'accord, je veux chercher tel type de comédien pour faire le film. Daniel dit tout de suite, moi, ça fait pas mon affaire. Et il y a une autre chose qui commence à sortir. Oh, on voudrait peut-être tuer le personnage de James Bond. Oui, c'est ce que Daniel Craig aurait voulu. Est-ce que vous pensez que c'est la première fois que ça arrive, ça? Bien, sûrement pas. Non, parce qu'il y a un certain acteur qui s'appelle Pierce Brosnan qui avait voulu faire la même chose à l'époque. C'était supposé être son dernier James Bond. Il a dit, ben j'aimerais ça faire mourir l'agent secret 007. Et à ce moment-là, on avait dit à Pierce, sais-tu, on sait pas comment qu'on va se passer de toi, mais on va se passer de toi. Et c'est là que Daniel est rentré dans la débarque. Sauf que là... Il y a une raison, parce que c'est pas juste Daniel Craig qui veut le décès de James Bond, c'est la productrice Barbara Broccoli aussi qui le veut, parce que ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs qu'on veut changer la couleur de peau ou le sexe de James Bond. Et si on est pour le faire, je suis pas tout à fait d'accord avec le geste, mais si on est pour le faire, parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, je suis peut-être d'accord avec le fait qu'on tue le personnage. Dire, OK, on arrête ça là avec un personnage de couleur. Mettons, il est blanc, ben on arrête ça là. Puis si on a un afro-britannique qui prend la relève, ouais. Ben à ce moment-là, on va recommencer puis on va resetter l'univers de James Bond puis on va repartir avec un autre personnage. Puis ça va peut-être être plus facile de l'accepter que de dire que là, on continue avec un James Bond qui s'en sort indemne. Puis là, le film d'après, il a changé de couleur. Hey, c'est peut-être moi qui est archaïque, là, mais honnêtement, James Bond de toutes sortes de couleurs, j'ai rien contre ça. Mais si tu me le mets en genre, ou si tu me dis, non, James Bond, ça va être une fille. Ben, ça va être Jane Bond, là. Ben, c'est ça, là, je me dis. Jane Bond. OK, non, ça marchera pas, là. T'sais, moi, James Bond, c'est un gars. Oui. Puis, peu importe quelle couleur il est, ça va être mon James Bond. Mais si vous le mettez en fille, ça sera plus un James Bond, là. Ça va être une Jane Bond. Jane Bond. Puis, faut pas que ça ait rapport avec James Bond. Écoute, cette année, je le cacherai pas, l'été a été excessivement difficile pour moi et mon amour pour le cinéma nord-américain. James Bond est queer, James Bond est trans. Mais il y a pas juste James Bond, il y a Halloween, il y a Terminator, il y a RoboCop, il y a Chucky. Il y a une nouvelle mode à Hollywood où est-ce qu'on dit on reset tout, puis on fait, on reprend les idées, mais on les modifie. Au lieu de dire, on essaie de trouver des idées plus originales. Ouais, mais faites des films de filles pour les filles. Moi, quand ils ont fait Ghostbusters filles, là, ouais. Écoute, les filles, les actrices sont bonnes. Oui, mais ils n'ont pas mis le bon metteur en scène sur ce projet-là. C'est et cool. Le scénario était vraiment ordinaire. Oui. Vraiment ordinaire. Oui. Mais le problème qu'il y avait, c'est le metteur en scène qu'ils ont mis là, c'est un gars qui adore le Saturday Night Live. Et je m'excuse, mais Ghostbusters, ce n'est pas du Saturday Night Live, c'est de l'humour réfléchi. Or là, on est tombé dans de l'humour vulgaire. On en parlait dans la dernière chronique. Oui. On n'est plus capable de faire de l'humour normal. Si on fait de l'humour normal, les gens ont peur qu'ils riront pas puis que le film fera pas d'argent au box-office. Mais là, tu vois, on a fait de l'humour à la folie, à la Saturday Night Live. Ça a fait quoi? Un flop. Et tu parles de changer pour changer parce qu'on veut donner une chance ou parce qu'on veut bien paraître et tout le tralala. Mais c'est pas juste au cinéma. C'est dans les bandes dessinées, c'est dans les produits. Écoute, c'est dans... je te donne un exemple. Buffy the Vampire Slayer. Il y a une raison pourquoi Buffy est blonde. Joss Whedon a créé Buffy juste pour dire que on va enlever le créneau de dire que les blondes sont nounounes. Elle commence nounoune, elle est confrontée à des vampires et au surnaturel, elle devient probablement un des moules féminins les plus impressionnants du 20e siècle pour les femmes. C'est une combattante, c'est une femme qui va au combat, qui est prête à tout sacrifier. Mais c'était pas ça au début. C'était une nounoune blonde, puis elle était cheerleader, puis ça se cassait un ongle, mon Dieu, Seigneur. Oui, non, c'est cliché. Mais c'était le but. Et d'ailleurs, tout le long des 7 saisons de Buffy the Vampire Slayer, tout ce que t'as, c'est des jokes de blonde. Mais c'était pour casser le moule. Là, on va reprendre Buffy, puis on va la mettre de race afro-américaine. Le problème que j'ai avec ça, c'est parce que le concept de base de Buffy est plus là. Donc, pourquoi vous appelez pas ça tout simplement The Vampire Slayer? Changez le nom de Buffy, mettez Buffy au début pour faire une continuité, puis faites un autre personnage. Ben oui. Pourquoi reprendre le nom de Buffy, puis le changer? Faites quelque chose d'original, créez un autre univers où est-ce qu'on va avoir quelque chose de nouveau que de nous donner la même salade, mais là, on va changer juste les couleurs de peau des personnages. Parce que le nom de Buffy est peut-être plus vendeur, là. Oui, ben c'est normal, parce que toi, tu te rappelles, à un moment donné, je l'avais parlé, si ton nom est là, puis que c'est déjà quelque chose qui est déjà dans la tête du monde, ça coûte moins cher en publicité, à publiciser, puis on a plus de chances d'aller chercher des codes d'écoute. Mais si t'appelles ça The Vampire Slayer, c'est la même affaire. Ben oui, puis en plus de tout ça, t'as la chance de te réinventer, de créer quelque chose de peut-être meilleur que la version d'avant, et de faire... plus de bidou. Oui, exactement. Puis c'est ça. Alors, c'était un été très difficile et une année 2018 très difficile pour moi, mais j'ai encore espoir que mon année va bien finir quelque part. Daniel Craig, là, y a-tu la grosse tête ou il l'a pas, là? Je pense que Daniel Craig a un poste présentement. C'est son dernier James Bond. C'est certain qu'il reviendra pas pour un autre. Et je pense qu'il veut finir ça en beauté. Et je pense qu'il va être reconnu comme étant l'acteur qui a fait mourir James Bond. C'est pas une mauvaise chose. Comme je dis, si on est pour changer la couleur de peau du personnage ou resetter le personnage pour une troisième fois, savez-vous quoi? Oui, faites-le mourir dans ce film-là, puis qu'on n'en parle plus, puis qu'après ça, ben s'il devient un agent secret d'une autre couleur, ben au moins, ça, on aura eu une fin. Puis on aura un nouveau début, puis on pourra recommencer avec un nouveau James Bond différent, puis recommencer à neuf, au lieu de tout simplement arriver puis dire, OK, wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi que le personnage, c'est plus le même? Mais c'est ça. OK. Timothy Dalton, lui. Oui. Tu l'as-tu aimé comme James Bond? OK. Il faut comprendre que Timothy Dalton a été un bon James Bond. Il est juste pas arrivé au bon moment. OK. Quand il est arrivé... Faut se rappeler que quelques mois avant, notre ami Roger Moore avait dit à des journalistes, écoute, je suis plus capable de m'asseoir sans ma doublure, c'est le temps d'arrêter. Et à ce moment-là, on a donné un scénario écrit pour Roger Moore à Timothy Dalton. Faut comprendre que Roger Moore, c'est un gars qui fait de l'humour. Timothy Dalton, c'est un acteur britannique sérieux de théâtre. Living Daylights, ça rentrait pas dans le créneau Timothy Dalton. License to Kill, par exemple. Oh, attention, c'est un des meilleurs, tant qu'à moi, James Bond, de toutes les James Bond qui ont été faits. Ah oui. Et c'était Timothy Dalton. Et il l'avait. Pourquoi? Le scénario a été écrit pour sa personnalité. C'est un film rude, c'est un film dur. D'ailleurs, c'est le premier James Bond à être coté ici au Québec, 14 ans et plus. Avant ça, c'était tout pour tous. Et quand Timothy Dalton est arrivé, on a changé la donne du personnage. On l'a rendu plus violent, on l'a rendu plus mature, plus adulte. Mais ça allait avec la personnalité de Timothy Dalton. George Lazenby. Ah, oh, lui, c'est particulier, c'est un vendeur de char. Lazenby est arrivé là par erreur. Ben oui. Puis sérieusement, si ça serait pas de la qualité, ça serait pas de la qualité du film, l'acteur était un gros zéro. D'ailleurs, j'étais bien content que à la dernière seconde, alors qu'il avait été signé pour un prochain film, que Connery ait dit finalement, je vais faire Diamonds Are Forever, parce que vraiment. Mais Christophe, le gars, c'est un vendeur de char. Ah, oh, oui. Lui, il est devenu mannequin vers la banque. Oh, puis oui. Là, ben, il a appris qu'on cherchait un remplaçant à James Bond. Il s'est présenté, il a pris des cours de diction, puis il a réussi à avoir le rôle. Il faut, oui, que tu lui donnes ça quand même. Ah oui, puis tu sais, il a quand même fait une bonne job. Ouais, mais ouais, soyons honnêtes, la première heure de On Her Majesty's Secret Service, ouch, ça fait mal. C'est dur, c'est pénible, c'est difficile, mais la dernière heure et demie, ça arrête pas. Ouais. C'est cascade après cascade, poursuite après poursuite, c'est action après action, et c'est ce qui sauve On Her Majesty's Secret Service, c'est pas Lazenby. Donc, si t'aurais pas, Lazenby aurait pas été capable de porter un James Bond comme Sean Connery, Roger Moore, ou même Pierce Brosnan a fait, malgré le fait que Brosnan, encore là, c'est pour moi mon James Bond favori, parce que je trouve que c'est le James Bond qui incorpore tout le monde, que ce soit Connery, ouais, Lazenby, Dalton ou Roger Moore. Il les avait tous en un. Tel que Ian Fleming les décrivait. Oui, exact. Ouais. Ils avaient tout en un. Okay. Le problème, c'est qu'il est arrivé un moment où on avait tout passé à travers les histoires de Ian Fleming, puis là, on faisait de l'invention et les scénarios étaient vraiment pas terribles. Et c'est dommage parce que Brosnan méritait mieux que ça. Mais sais-tu quoi? Là, on est en train d'embarquer sur quelque chose que je suis en train de vous préparer peut-être pour les fêtes au début de l'année. Parce que je voulais faire une chronique sur James Bond, puis je voudrais pas qu'on embarque trop sur le sujet. Mais non, concernant Daniel Craig, ça me surprend pas, c'est juste poche que ça arrive. Est-ce que ça va retarder la production d'un prochain James Bond? On verra, parce que rappelez-vous, Solo, ouais, tout le monde pensait que le film allait être reporté, puis parce qu'on avait mis les deux réalisateurs à la porte. Finalement, la semaine après, on a engagé Ron Howard, puis on a respecté la date de sortie. Alors, on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'effectivement, si on est pour nous changer la couleur de peau du personnage ou le sexe du personnage, s'il vous plaît, tuez-le donc là, le personnage, qu'on mette une fin, okay, au James Bond qu'on a connu et qu'on commence avec autre chose. Moi, je comprendrai jamais les artistes, là. Jean-Marc Vallée qui dit non à James Bond parce qu'il veut se concentrer sur un film sur Yoko Ono puis John Lennon. Tabarouette! OK, te rappelles-tu ce que je t'ai dit à un moment donné quand on a fait notre chronique de Star Wars concernant George Lucas? Lucas avait dit... Quand t'es rendu à te faire dire que t'es une mauvaise personne parce que t'as détruit l'univers du monde, ouais, c'est temps d'arrêter. Okay. D'aller sur une franchise comme James Bond, c'est énormément de pression. C'est énormément de demandes et d'exigences, que ce soit au niveau des producteurs, que ce soit au niveau du revenu que ça doit rapporter au box-office, que ce soit également au niveau des fans. Alors, moi, ça me surprend pas. C'est pas n'importe qui va accepter d'aller là. Puis surtout de faire ça, puis de prendre un rôle comme ça. Et là, maintenant, d'être le réalisateur qui va tuer James Bond. Parce que ça, le monde va s'en rappeler toute leur vie. Et les fans qui vont être en Moses après ce gars-là, ils vont être en Moses après ce gars-là jusqu'à la fin de sa carrière. Fait que le gars qui va aller prendre ce rôle-là présentement, là, il faut qu'il aille les reins solides. Fait que c'est pas tout le monde qui va décider de faire ça. Fait que tu comprends la décision de Jean-Marc Vallée. Ça me surprend pas. Okay. Ça me surprend pas. J'ai hâte de voir qui va dire oui. C'est les millions qui seraient rentrés dans son compte en banque. Oui, mais ça sert à quoi si ta carrière après ça... Si t'es associé à quelque chose qui est négatif, ouais, ça peut te nuire après ça. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est des décisions pas faciles à prendre. C'est sûr que t'as le choix entre l'argent puis ta réputation. Puis t'as des réalisateurs aussi qui décident de s'aller dans une décision, tu sais, dans une direction artistique, puis ils veulent pas être reconnus nécessairement pour des grosses productions hollywoodiennes commerciales, mais pour des films d'auteur, parce qu'ils veulent garder un nom qui fait que quand tu parles de ce gars-là, automatiquement t'associes ça à ce type de film-là. Non, mais Yannick, il fait ce qu'il aime. Voilà. Mais le talent, ça va pas nécessairement avec l'argent. Non, exactement. Voilà. Tu sais, c'est au même titre que quand on a proposé... Il y a juste des artistes qui pensent à moi. Tu sais, quand on a proposé à Denis Villeneuve de faire le James Bond 25, ouais, lui, il a dit, je suis désolé, mais je suis sur Dune. C'est vrai, oui. Ben, je suis désolé, mais entre aller sur Dune puis James Bond, je pense que t'as plus de chances d'avoir une meilleure réception sur James Bond que sur Dune, parce que Dune, il y a bien des chances que tu te pètes la marboulette, mais, tu sais, c'est un choix artistique, donc, le metteur en scène, c'est sa carrière. Ce soir, on parle de stop motion. On parle de stop motion. Qu'est-ce que le stop motion ou ce qu'on appelle animation en volume? Mais s'il vous plaît, vous me pardonnerez si je décide de parler de stop motion, parce que si je parle d'animation en volume, m'a passé mon temps à revenir sur mes notes parce que je veux toujours vouloir savoir c'est quoi encore le terme en français. Pour donner un exemple de qu'est-ce que le stop motion pour que les gens comprennent bien, c'est quoi? J'ai amené en studio avec moi probablement la plus belle création qui a été faite dans le domaine du stop animation. Raphaël. Stop motion. Ouais, Raphaël, mettons, dans son matin, quand elle se lève tout croche, on parle bien sûr de la méduse qu'on a vue dans le film Le Choc des Titans en 1981. La raison pourquoi je l'ai amené, c'est parce que j'avais envie, aujourd'hui, de vous expliquer... Tu es pas ma méduse, toi, là. De vous expliquer, techniquement, on va créer un film de stop motion aujourd'hui. Et en réalité, la demande qui nous a été faite, c'est de prendre Yannick puis de le faire danser, c'est la danse des canards, mais en animation stop motion. Okay. Alors, qu'est-ce que le stop motion? Ben, c'est un petit peu comme le dessin animé. Donc, pour comprendre le stop motion, puis là, Raphaël, tu vas devenir notre mathématicienne de la journée. OK. Faut comprendre qu'à l'époque, quand on faisait du stop motion, il faut penser à tout. Donc, votre personnage, donc Yannick, par le fait même, il faut le faire en pâte à modeler. Oui. Donc, on fait un personnage avec une armature en métal ou en bois qui est recouvert de caoutchouc, de pâte à modeler, de façon à ce qu'on puisse le reconnaître. Dans le temps que le film est en noir et blanc, c'était de la pâte à modeler, mais par la suite, puis un petit peu de caoutchouc, mais par la suite, lorsque on est revenu dans la couleur, il a fallu changer un petit peu le concept. À partir de là, vous vous dites, bon, là, on a déjà des producteurs une coupure de budget parce que ça coûte trop cher faire danser la danse du canard à Yannick. Donc, tout ce qu'on veut, c'est qu'on voudrait juste que Yannick se lève de sa chaise derrière son micro puis qu'il fasse un babaye au monde. Ça a l'air pas si compliqué que ça. À date, non. OK, c'est une scène qui va peut-être durer 3 secondes. Oui. Alors, Yannick se lève. Pour qu'il se lève, d'abord, pour commencer, la première chose que vous devez voir, c'est quoi tous les gestes qu'il va commettre. Donc, ses doigts vont bouger d'une certaine façon, ses épaules vont bouger d'une certaine façon, son corps va bouger d'une certaine façon, son dos va bouger d'une certaine façon. À partir de là, vous vous dites ceci. Chaque image doit la pièce qu'on a faite de Yannick, donc le modèle en résine ou en pâte à modeler, doit être bougée de 1 mm par seconde. Dans chaque seconde, il y a 24 images en film, il y en a 30 en vidéo. Si on calcule que notre film fait 3 minutes, on calcule combien de photographies qu'on doit faire. Donc si c'est 24 images par seconde. Ouais, 24. Donc tu as 3 minutes, c'est 180 secondes. Ah, t'as un petit peu mon calculatrice. Ben, 3 fois 6 fait 180. Je commence déjà à regretter ma. Oh non, je suis une mauvaise. T'es pas obligé de calculer, je suis là. Parfait. Bon, prends lui. Alors, si t'as 180 secondes à 24 images secondes, le total va te donner. Vas-y. Ben là, moi, je suis pas mathématicien. J'ai demandé une mathématicienne pour calculer. Bon, commence. On est rendu, OK, 180. 180 secondes. T'as 24 images secondes. Oui. Ça te donne combien d'images? Fois 24, ça fait 4320. Il faut prendre 4320 photos du personnage en mouvement. Et à chaque image qui bouge, donc tes 4300, doit bouger 1 mm à chaque fois. Donc, vous ne pouvez pas juste bouger le personnage qui lève. Vous allez dire, oh, ça marche pas. Non, non, il faut bouger 1 millimètre à chaque fois. Donc, les doigts, chacun des doigts, donc vous avez 10 doigts à bouger, la main doit bouger, le poignet doit bouger, les épaules doivent bouger, la tête doit bouger, le dos doit bouger, le ventre doit bouger, tout doit bouger. Je rajoute une complexité à la chose. Yannick, tes cheveux, ce sont les serpents de notre méduse. Il y en a 12. Ouais. On l'a mis la méduse sur la page Facebook de Mars au soir. Oui, oui. Alors, vous avez 12 serpents sur la tête de Yannick. Les 12 serpents ont une vie propre. Alors, il y en a un qui va à gauche, il y en a un qui va à droite, il y en a un qui va à 20 degrés, l'autre va à 180 degrés. Vous devez faire tous ces mouvements-là à chaque séquence que vous faites. Fait qu'il y a combien de serpents, tu me dis? Il y en a 12. 12, fait que c'est 12 fois 4320? Mais juste pour ça, parce que t'as le corps aussi. Juste pour la tête. Juste pour les cheveux. Juste pour les cheveux, c'est 51 840. OK. Puis t'as pas l'expression faciale, t'as pas le bougement. OK, bon. Le téléphone sonne. T'es rendu à 1 minute sur ton 3. Le téléphone sonne. Tu viens de passer 1 heure au téléphone, tu reviens. T'es rendu où sur ta production? Bonne question. OK. Alors, vous venez de comprendre c'est quoi le stop animation. Puis, je comprends que quand je vais vous parler du stop animation, vous allez dire, hey, les effets spéciaux, là, c'est vraiment ordinaire, c'est quétaine, ça n'a pas de bon sens, ça a de l'air de pâte à modeler, ça a de l'air, quand il bouge, ça n'a pas de l'air réaliste et tout ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, à l'informatique, puis je fais souvent le gag à des gens que je connais qui font des effets spéciaux à la maison en informatique, je leur dis, écoute, toi c'est simple, t'es assis sur ta chaise, t'as ta canette de coke d'un bord, t'as ton sac de chips de l'autre bord, puis à part tes neurones qui fonctionnent, la seule chose que tu dois te concentrer, c'est t'assurer que le taux de graisse que tu pas parce que tu bouges pas sur ta chaise. Il est bien balancé pour que ta chaise penche pas de gauche à droite. À l'époque, le gars qui fait la stop animation, c'est un travail de moine. Si sa caméra est à 70 pieds plus loin, parce que il doit filmer la gorgogne ou encore Yannick d'une certaine grosseur, parce que à la fin de la séquence, on voit un Yannick normal arriver par-dessus le Yannick qui est à veille de, qui fait des babayes, là. C'est parce qu'il faut qu'il soit filmé, mettons, à 70 pieds de loin. Ben, le gars, faut qu'il marche 70 pieds pour aller calculer sa lumière, revenir après, bouger ses affaires, repartir 70 pieds plus loin, refaire encore la même affaire, revenir, et de même ça pendant toute une journée. Et s'il fait ça pendant, parce que dites-vous que pour un 3 minutes, on calcule entre 7 et 10 semaines, à 5 jours semaine, le gars a un bon cardio. Peux-tu vous le dire? Là-dessus, j'ai pas parlé de l'éclairage, parce qu'il faut qu'il calcule son éclairage. Ouais. S'il y a une ombre, il faut qu'il calcule son ombre. Puis son éclairage, il faut qu'il s'assure, parce que Ray Harryhausen, ça c'est un individu que je vais vous parler tout à l'heure, quand il fait son éclairage, si, mettons, la lumière baisse, son éclairage est différent, il est obligé de recommencer sa séquence. Et dites-vous que lui, il n'y a pas de caméra vidéo, lui-là. Là. Lui, il filme. Fait que s'il filme pendant 7 semaines sa séquence, puis qu'il regarde sa shot, puis que c'est manqué, il faut qu'il recommence. Il peut pas couper. Il peut pas. Tu coupes où? Pire que ça. Ben, sur l'éclairage qui est raté. Mais tu fais comment? Faut que tu recommences ta méduse, parce que ta méduse, tu le prends en photo. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on peut appeler le stop motion l'auto-flagellation du film? Je pourrais te dire que dans l'univers du stop motion, il y a deux personnes qu'il faut se rappeler. OK. Le premier, c'est William O'Brien. Qui est William O'Brien? Ben, c'est un homme qui, en 1925, nous a donné le premier film de stop animation au cinéma. Et ça s'appelait The Lost World, Le Monde Perdu. Ou en noir et blanc, avec un petit monsieur qui jouait du piano parce que le film était muet à cette époque-là. Oui, tu sais, Yannick, les bons films muets, noir et blanc, tout ça. Mais lui, c'était un nord-américain. Il y avait le gars qui jouait du piano en avant. Et les gens, pour la première fois de leur vie, voyaient des dinosaures animés sur le grand écran. OK, ouais. Pire que ça, Willis O'Brien a fait quelque chose d'incroyable. Il a rajouté des acteurs à travers. Oh, mon Dieu, comment est-ce qu'on fait ça? Je comprends la révolution du stop motion. C'est que tu pouvais amener des créatures qui ne pouvaient pas être faites via la technologie, qui n'existait pas. T'avais pas d'ordinateur voilà. À cette époque-là. Et puis, les dinosaures n'existaient pas à cette époque-là. Malgré que je te dirais qu'en 1925, les gens qui étaient assis dans la salle de cinéma puis qui ont vu The Lost World ont dit « Mon Dieu, le caméraman est parti sur une île où il y avait des vrais dinosaures et ils ont vraiment filmé des vrais dinosaures. Ben, » c'est clair. C'est clair. Ouais. Et après 1925, bien, il y a eu la crise économique aux États-Unis qui a fait que notre ami O'Brien a eu beaucoup de difficultés et il a réussi à se trouver un petit job chez RKO Pictures pour faire des documentaires, dont un qui s'appelait Création. Et après une 20 minutes de stock shot, il y a un gars qui s'appelle Marion C. Cooper qui a été rentré dans la compagnie pour dire « Écoute, il faut que tu trouves comment sauver la compagnie parce que RKO est sur le bord de la faillite. » Et à un moment donné, il tombe sur ce projet-là de création qui coûte 120 000 $ Fait que pour 1930, c'est énormément d'argent. On parle de millions là aujourd'hui. Là, il a comme fait « Ben écoute, on va canceller. » On va arrêter le projet. Sauf que il a vu ça puis il a dit minute, moi je veux faire un film de gorille et puis ça c'est ce qui va me coûter le moins cher à produire. Let's go et ça nous a donné King Kong en 1933. Le Big Daddy of them all, le film qui a changé et révolutionné le stop motion. Est-ce que c'est le King Kong qui est beaucoup trop gros par rapport à un certain plan? J'y vais de mémoire, là, il me semble qu'il y a un plan d'un certain King Kong qui, lorsque qu'il est sur la tour, il est reculé à m'emmener, puis on... La grosseur... Oui, ça peut effectivement arriver. Faut donner le fait que c'est en 1933. Ouais. Écoute, il y a des choses qui ont été créées dans ce film-là parce que contrairement à The Lost World où tu voyais, mettons, les gens qui étaient dans le bas de l'écran, mais tu voyais que le contour, c'était du décor puis qu'en arrière-plan, c'était tout simplement projeté toutes les images de stop-motion qu'on avait filmées. Donc, tu sais, là, dans King Kong, c'était pas ça. Dans King Kong, c'était Kong interagit avec du réel et du non-réel. Donc, à un moment donné, quand il rentre dans la ville, à un moment donné, t'as les gens qui courent en avant de lui, puis lui, il sort dans l'arrière d'un building. Il y a tellement de choses, c'est tellement complexe d'expliquer comment la technologie a été faite à ce moment-là, mais c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. À un point tel que même, on voulait donner un Oscar à O'Brien dans ce film-là, puis O'Brien a dit, si mes puppeteers, les gens qui ont créé les moules, ont leur Oscar aussi avec moi, j'accepte. Et là, on a dit, ben non, c'est toi ou c'est personne d'autre. Alors, il n'y a pas eu d'Oscar pour ce film-là, mais n'empêche que King Kong est un monument incroyable. Savez-vous à quel point ce film-là a été un monstre? Écoute, j'ai mis la bande-annonce du film de 1933, King Kong, sur la page Facebook de Marceau Soir. Allez voir ça. C'est impressionnant. Oui, pour l'époque. Parce que mais les gens, aujourd'hui, ils vont regarder ça, ils vont dire, oh, voyons, c'est donc ben mauvais, c'est pas beau. Mais faut rappelez-vous tout ce que je vous ai dit tantôt, puis vous allez comprendre que l'ouvrage qui a été fait est incroyable. Ça coûtait 35 entre 35 sous et 75 sous rentrés à la première de King Kong. OK. C'est la première a duré 4 jours. Quatre jours. Parce que pendant 4 jours, c'était sold out à toutes les représentations. Le film a ramassé 89 931 $ en 4 jours. En 79 sous? Entre 35 et 75 sous. Donc, calcule que le prix moyen d'un billet était 50 cents. Ils ont ramassé ça, sacrifice. OK. Ah. Le film a ramassé au total 2 millions de dollars à sa première run. Il a été ressorti en 1952, il a été recherché un 2,5 millions additionnels. Ouais. À coût de 35 puis 75 sous. Ben, en 1933, répéter, mais là. En 52, c'est un peu cher. Oui. Un peu plus cher. Mais là. Quand même. Là. Mais effectivement. Puis tu sais, à l'époque, le billet coûtait pas si cher que ça, mais là, c'était une première, donc ça coûtait un petit peu plus cher, mais on voulait les salles dans, les problèmes que les bancs d'en haut coûtaient 35 cents parce que c'était des gens pauvres, puis dans le bas, ceux qui étaient au premier niveau, eux autres, c'était 75 cents parce que eux autres étaient à côté de Kong. Au même titre qu'à un moment donné, dans la séquence de Kong, Kong est accroché sur une espèce de base, puis les gens le regardent dans un théâtre, mais plus t'es proche, plus ça coûte cher. Fait que les gens avaient vraiment l'impression que Kong existait. C'était un personnage vivant. Mais, ça demandait des performances d'acteurs absolument incroyables, là, parce que les personnages qui sont devant eux n'existent pas, donc tu dois imaginer qu'il y a une monstruosité qui est devant toi pendant que toi t'es attaché sur deux poteaux avec de la corde. Puis tu veux-tu savoir la meilleure là-dedans? King Kong a quand même pris 9 mois à filmer. Alors, t'as des acteurs là-dedans qui ont eu le temps de faire 2 autres films avant de finir leur tournage de King Kong. Ils ont le temps de vieillir. Oui, c'est parce ça. Parce que il y a beaucoup de séquences où les acteurs jouaient devant un écran. Donc, il fallait finir le stop motion avant que les acteurs puissent jouer leur scène parce que le stop motion était diffusé sur un écran devant les acteurs. Donc, les acteurs devaient acter face à ce qu'ils voyaient sur l'écran. Donc, t'avais des séquences. Juste la séquence, il y a King Kong se bat contre un Rex. Ça a pris 7 semaines à produire. C'est beaucoup cette semaine. Est-ce qu'avant que les acteurs fassent leur performance, est-ce qu'ils voyaient les gestes de King Kong devant eux? Non. C'était juste, on leur expliquait un petit peu ce qui se passait. T'as une monstruosité devant toi, c'est un gorille géant, mais personne ne pouvait s'imaginer ça, ça avait jamais été fait. Il y a un petit jeune de 13 ans qui s'est ramassé dans cette salle de cinéma-là pour aller voir King Kong. Le gars s'appelle Ray Harryhausen. Et c'est drôle parce que Ray Harryhausen va, quand il va rentrer dans la salle de cinéma, quand il va sortir, il va être totalement changé. Sa vie est complètement bouleversée et il va décider cette journée-là que c'est ce qu'il veut faire dans la vie. Et à un moment donné, il va se faire des petits tests et il rencontre à l'école une femme qui a des croquis de King Kong. Et là, il dit, King Kong, tu connais-tu Willis O'Brien? Et la jeune fille dit, ben, mon père a travaillé pour Willis O'Brien sur le tournage de King Kong. Si tu veux le rencontrer, je peux t'arranger ça. Il est super sympathique, il n'y aura pas de problème. Ça a pris 3 jours à Ray Harryhausen pour dire, OK, je prends le téléphone, je l'appelle, j'y vais. Et quand il est arrivé là, ben O'Brien l'a accueilli, a regardé les choses comme ça, puis il a dit, ben écoute, sais-tu quoi, tu fais du bon travail, c'est juste que les pattes de tes dinosaures ont de l'air de saucisse. Fait qu'il faudrait peut-être que tu travailles un petit peu tes muscles, puis t'es ça, puis améliorer ta technologie. Harryhausen s'en va, il est bien content, mais la femme de O'Brien dit, mon Dieu Seigneur, t'es donc bien, t'es sévère avec. Et O'Brien de répondre à son épouse, ce gars-là va me mettre au chômage. Oh, wow! Il va me mettre à la retraite. Oh, wow. Et le prochain film d'O'Brien, eh bien, c'est un autre gros monstre du film américain. C'est Mighty Joe Young. Et devinez qui que notre ami O'Brien est allé chercher pour s'occuper de Joe Young? Ray Harryhausen. Qui, à ce moment-là, en était à ses premières armes. Et quand il est rentré là, Ray Harryhausen a fait 90% de la job de manipulation au niveau de Mighty Joe Young. Mighty Joe Young ou Monsieur Joe qui a été fait en 1949, qui est à peu près la même affaire que King Kong, sauf que au lieu d'être un gorille gigantesque. Ben, c'est un gorille qui a à peu près la grosseur d'un éléphant. Et c'est une jeune fille qui est découverte en Afrique et qu'on a découvert qu'elle a été élevée avec Mighty Joe. Et Mighty Joe, bien, il trippe sur la jeune fille. Donc, c'est comme sa meilleure amie. Alors, il va la protéger à n'importe quel coup. Il y a des cowboys qui se ramassent là, qui, après avoir mangé une raclée avec Joe qui s'amusait avec eux autres, ben, décident de dire à la jeune fille, tu devrais revenir avec nous en Californie. On va faire de l'argent à tour de bras. Sauf qu'après quelques semaines, bien, Joe, à un moment donné, il a le mal du pays. Alors, il a le goût de retourner en Afrique, dans son pays natal. Et malheureusement, il arrive un incident où est-ce qu'on décide de tuer Mighty Joe Young. Sauf que, bon, bien sûr, on va s'arranger pour le faire échapper. Et là arrive la séquence de ce film-là. C'est qu'à un moment donné, à la fin, au moment où on pense que Mighty Joe va s'en sortir, il y a un incendie dans un orphelinat. Et Mighty Joe Young décide, avec la jeune fille, d'aller sauver les enfants de l'incendie. Toute la séquence a été filmée sur du noir et blanc, mais teintée rouge et orangé. Donc, à partir du moment de l'incendie jusqu'à la fin de l'incendie, tout est filmé en orangé ou rougeâtre, là. Donc, ça donne quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un film noir et blanc. Okay. Je vous dis pas ce qui se passe avec Mighty Joe Young, mais c'est un classique incroyable. Ce qui fait que ce que ça l'a donné à Harryhausen, c'est la chance de dire « voilà mon talent ». Et là-dessus, bien, Willis finit sa carrière avec Mighty Joe Young en gagnant l'Oscar des meilleurs effets visuels. Et Ray Harryhausen fait ce qui avait été prédit, c'est-à-dire il met à la retraite Monsieur Willis O'Brien, parce qu'après ça, il n'y a que Ray Harryhausen qui va faire du stop-motion à Hollywood. Parfait. Pour ce qui est de Mighty Joe Young, c'est un trailer, c'est 1949. Je vous ai mis ça encore une fois sur la page Facebook de Marceau Soir. Donc, allez voir la petite c'est une poupée qu'on a mis, là, ça, là. Une figurine. Ah, ma figurine qu'on a mis. Et juste en dessous, c'est tous les films que tu nous parles depuis le début que je mets, là. Parfait. Après ça, ben, on a The Beast from 20,000 Fathoms, ou Le Monstre des Temps Perdus, qui a été fait en 53. Ça, c'était le premier film où Ray Harryhausen a fait lui-même le stop animation. Pourquoi il est important, ce film-là, au niveau de l'histoire du cinéma d'hollywoodien? C'est parce que dans les films de monstres, c'est celui qui a perdu cette fameuse, je dirais, cette fameuse mode du film créé à l'époque nucléaire. Mm-hmm. Donc, Godzilla est inspiré de ça. Them, que je vous ai parlé dans la dernière chronique, ça a été créé à partir de ça. Tous les films qui sont venus après de créatures qui ont été grossies à travers des choses nucléaires ou qui ont été réveillées à cause d'expériences nucléaires, ça vient de ce film-là. Et Ray Harryhausen va faire ses débuts avec ce film-là et d'ailleurs va pousser la technologie beaucoup plus loin du stop-motion, parce que là, pour la première fois, on a une interaction physique entre le stop motion et l'acteur. Parce qu'avant, ce qu'on avait, c'était, oui, on voyait que l'acteur tirait sur une corde, puis que, mettons, Mighty Joe Young tirait sur sa corde, puis à un moment donné, Mighty Joe Young se mettait devant l'acteur, puis là, il levait le personnage en stop motion, puis il pitchait dans l'eau. Là, on a un policier qui tire sur la créature, et la créature va le croquer jusqu'à la mi-taille, et va partir avec le policier. Tu vois le policier qui lève dans les airs en levant les pattes. Ça avait été jamais fait encore. Et Ray Harryhausen a développé ça. Et donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est qu'il y a un producteur qui s'appelle Charles H. Schneer, qui va le remarqué et qui va dire « Ok, à partir de maintenant, mon homme, je m'occupe de ta carrière. » Et c'est une carrière de 25 ans qui va se faire entre les deux hommes, qui va commencer avec un film qui s'appelle « It Came From Beneath the Sea », « Le monstre vient de la mer » en 1955, où est-ce qu'à ce moment-là, on a un certain Ray Harryhausen qui va faire une pieuvre, mais pour sauver des budgets, au lieu de faire 8 tentacules, il en fait 6. Coûte moins cher à produire. Alors, il l'appelle gentiment la Sixtopus, mais c'est un film qui fait beaucoup d'argent. Après ça, on a Earth vs. the Flying Saucer, où les soucoupes volantes attaquent en 1956, qui, d'après moi, est probablement, à cette époque-là, le meilleur film d'invasion extraterrestre qui a été fait. Oui, chez, il y a La Guerre des mondes qui a été faite en 54, mais là-dedans, vous avez vraiment un conflit entre l'armée américaine et les soucoupes volantes. Ray Harryhausen fait toutes les soucoupes volantes en animation 3, stop motion. Les soucoupes volantes, à un moment donné, s'écrasent dans les buildings, c'est tout fait en stop motion. Quand tu vois les buildings s'écraser, tout est fait en stop motion. Le travail là-dessus est incroyable, à un point tel que lorsqu'on voit un film comme Independence Day, on sait que c'est un hommage à Earth vs. the Flying Saucer. Et lorsque Tim Burton fait Mars Attack en 96, si vous regardez les soucoupes volantes au début du film, ce sont les soucoupes volantes de Earth vs. the Flying Saucer. C'était un hommage direct au travail de Ray Harryhausen sur ce film-là. Viendra après 20 million miles to Earth, à des millions de kilomètres de la Terre, où est-ce que ça va être le dernier film fait en noir et blanc par Ray Harryhausen. Après ça, il veut s'attaquer à la couleur. Et on va créer le Ymir dans ce film-là. Pourquoi je parle du Ymir? C'est parce que quand on va tomber avec le choc des titans, en 1981, il y a une créature qui s'appelle le Kraken. C'est exactement le même visage. Il a juste repris le même concept. Le fameux Kraken. Ouais, le fameux Kraken. Qu'est-ce que le Ymir? Qu'est-ce que le Ymir? Ben, c'est une créature qui vient de Vénus, qui s'est écrasée sur la Terre. Puis, c'est pas plus gros que ça, là. Tu sais, genre, peut-être, un pouce. Un pouce. Mais, à un moment donné, elle grandit. Puis, malheureusement, ça y tente de manger du soufre. Et ce soufre-là va le faire grandir à une grandeur phénoménale. Et en plus, ben, ce qui aide pas, c'est qu'il se fait attaquer par un chien et par le propriétaire du chien qui lui lance une lance. Donc, à ce moment-là, pour lui, les humains sont des êtres méchants et agressifs. Donc, lui, en grandissant, devient comme une victime, mais il va se défendre. Et malheureusement, la créature qui est supposée terroriser tout le monde, ben, finalement, tu te rends compte que c'est peut-être pas le vilain du film, mais que malheureusement... C'est arrivé de même. Ouais, c'est arrivé comme ça. Premier film couleur, Le septième voyage de Sinbad. Et là, ça, c'est le premier d'une trilogie qui va être réalisée avec Sinbad, où là, où Ray Harryhausen s'amuse avec le stop motion et on... Il décide de laisser tomber les affaires de démolition parce que ça prend énormément de temps et de laisser tomber les monstres, créatures extraterrestres et autres. Et là, il se concentre plus sur les créatures mythologiques. Donc, il a décidé de faire des cyclopes, de faire des hydres, de faire des méduses. Et avec le voyage de Sinbad, ben, on commence ça. Toujours en pâte à modeler. Ben, en réalité, la façon que ça marche, c'est que c'est des structures de métal qui sont recouvertes d'une peau faite en caoutchouc. OK. Et dans certains cas, dans les créatures, c'est de la peau qu'on va mettre mettons, genre, comme, je me rappelle plus quelle créature qui a été faite, mais il avait pris un manteau de fourrure, puis il avait fait la fourrure de la créature avec ça. Donc, plus les créatures avancent, plus on avance dans le temps, plus les créatures deviennent de plus en plus améliorées au niveau technologique. Et notre ami producteur, Monsieur Schneer, a décidé, lui, que... Il voulait que Ray Harryhausen ressorte bien de ça parce que on veut pas que son travail soit associé à l'animation qui à ce moment-là était pas pris au sérieux. Quand je parle d'animation comique, dessin animé. Parce que dites-vous que l'animation stop motion est exactement le même processus que l'animation du dessin animé, c'est-à-dire dans le dessin animé tu tournes des pages, mais tu as 24 pages pour faire une seconde. Okay. Donc ton dessin s'il bouge, ben ton dessin que tu fais à chaque dessin que tu fais pendant tu fais 24 dessins pour faire ta première seconde, ben tu as la main qui va bouger dans le dessin. Ben c'est la même affaire pour le stop motion. Sauf que lui il dit moi je veux donner un nom à ça. Au même titre que notre ami Jerry Anderson avait donné un nom à sa technique des poupées, qui était le super marionnation, ben là, notre ami Schneer, lui, a décidé d'appeler ça le dynamation, ce qui était parti à l'époque de sa voiture, parce que la voiture, à son époque, s'appelait Dinoflo. Alors, il a gardé le Dina, parce qu'il trouvait ça le fun, et animation, donc dynamation. Et par la suite, ben, ça va changer, puis ça va devenir le super dynamation avec les trois voyages de Gulliver et l'île mystérieuse. Et par la suite, le Dinarama dans les années 70, qui va demeurer le dernier nom qu'on va utiliser. Après le succès des sept voyages de Sinbad, parce que là, c'est Sinbad qui va se marier avec une princesse, mais qui est réduite par un vilain sorcier en petite miniature. Et là, bien sûr, Sinbad doit accompagner ce vilain magicien sur une île pour essayer de faire en sorte que sa future princesse devienne une taille normale. On va décider de faire deux films qui vont s'appeler, comme je disais tantôt, The Three Worlds of Gulliver, donc Les Voyages de Gulliver en 1960, et Mysterious Island, ou L'île mystérieuse en 61, avant de tomber à probablement ce qui est le top film de cette période-là, de Ray Harryhausen, qui est Jason and the Argonauts, ou Jason et les Argonauts, en 1963, qui est probablement le top qualité au niveau des films d'animation. Lorsqu'on a fait le septième voyage de Sinbad, on a fait un combat à un moment donné entre un squelette et Sinbad, où les deux se battent. Dans Jason and the Argonauts, c'est sept squelettes qui se battent contre trois hommes, dont bien sûr Jason. Jason qui doit retrouver la toison d'or pour permettre à son royaume de vaincre un espèce de tyran qui a tué son père. Et donc, avec ça, bien, à un moment donné, t'as cette séquence-là qui dure moins de 3 minutes, qui a pris plus de 4 mois à produire. 3 minutes, 4 mois. 4 mois. Énormément de travail. Oi, oi, oi. Mais le problème avec ça... Ça, c'est avec un casse-tête de 10 000 morceaux. Oui, pas à peu près. Plus que ça, c'est un bon 20 000. Et le problème qu'on a avec Jason and the Argonauts et le prochain film qui va être fait, qui va être First Man on the Moon, qui est Les Premiers Hommes dans la Lune en 1964, c'est que c'est deux flops commerciales. Et donc, Columbia Pictures décide de laisser aller Ray Harryhausen et notre ami Schneer. Et les deux se retournent à ce moment-là vers la Hammer Film. Et ils vont créer deux autres films qui vont s'appeler One Million Year BC, donc un million d'années avant Jésus-Christ, qui va mettre en vedette, bien sûr, la plantueuse Raquel Welch dans son deuxième rôle en carrière au cinéma. Qu'elle était magnifique. Bien sûr, surtout dans ce film-là, avec son petit bikini en peau de bison. Et l'autre film, c'était La Vallée de Gwenji, ou The Valley of Gwenji, en 1969, qui mélange le film de dinosaures avec le film de Western. Non. Ouais, mais sais-tu, au début, je me suis dit, ça va être mauvais, puis je l'ai écouté, puis c'était sérieusement vraiment bon. Un Western avec des dinosaures. Ouais. Ben, aujourd'hui, on mélange, c'est quoi? C'est les Western avec les aliens? À peu près. Ben, on le fait. Oui, il y a à peu près tout. Non, même c'est les zombies, avec le gars qui fait Indiana Jones, déjà, j'oublie tout le temps son nom. Harrison Ford. Oui. Ben oui, il y a un film récemment. Cowboy Aliens. Bon, voilà, oui. Non, mais t'as même les zombies maintenant qui sont au Far West. Ah, pourquoi pas? Ben voilà, ça s'est fait aussi. Avec ces deux films-là qui ont été des gros succès, ben là, Columbia s'en vire de bord, puis disent, ben écoutez, on voudrait vous revoir les deux pour faire d'autres films avec vous autres. Et on décide de finir la trilogie des Sinbad. Donc en 73, on fait le voyage fantastique de Sinbad, donc The Golden Voyage of Sinbad, où est-ce que là, notre ami Sinbad découvre une arme, une espèce d'artefact qui, une fois réuni avec les artefacts d'un prince ou d'un roi plutôt, qui a été défiguré par une attaque d'un vilain sorcier, bien, on découvre que c'est une map qui nous amènerait à une place qui nous permettrait d'avoir, de mettre la main sur une espèce de couronne qui va redonner un pouvoir sublime à celui qui va la porter. Bien sûr, notre vilain sorcier va essayer de se servir de maintes créatures pour empêcher Sinbad d'arriver à retrouver cette couronne-là. Alors, on a Kali, qui est une statue avec 6 bras. On a un centaure, à un moment donné, qui a un combat avec un griffin. On a une figure de proue, à un moment donné, qui s'anime et qui combat les habitants tout l'équipage de Sinbad sur le bateau. En tout cas, regarde, il y a plein de choses. C'est merveilleux à ce moment-là. C'est à partir de quelle année environ que les gens dans les salles ont compris que c'était du stop motion, que c'est pris photo par photo et que c'était pas la réalité ou autre chose des costumes spéciaux? C'est à partir de quelle année environ que les gens ont compris? Je pourrais pas te dire l'année, mais ça a un rapport avec il y a une revue qui était sortie. Monster in Monsterland, Famous in Monsterland, quelque chose du genre. En tout cas, il y a une revue de cinéma qui était faite avec des créatures et des choses comme ça qui étaient faites sur les monstres et tout. Okay. Et à un moment donné, ils montraient des photos. Donc, je te dirais probablement dans les années 50, 60. Okay, c'est fait tôt quand même. Dans ces années-là. Où est-ce que là, on a découvert que King Kong, c'était pas un vrai gorille. Que Mighty Joe Young, ouais. Finalement, parce qu'il y a une photo à un moment donné où t'as Fay Wray, qui était l'actrice qui jouait dans King Kong, qui serre la main à un King Kong d'environ genre 18 pouces de haut. Et là, les gars, les gens qui lisaient les revues ou les filles disaient, ben là, OK, là, on vient de comprendre que King Kong, c'est pas un vrai gorille de, mettons, 60 pieds de haut, en tout cas, dépendant de sa grosseur, là. Alors, c'est à peu près dans ces années-là que les gens ont commencé à avoir ça. 70, là. C'est à peu près là que ça se passe, où est-ce que là, vraiment, on comprend comment que ça marche au niveau du cinéma. Tu te souviens d'Orson Welles quand il avait fait son émission de radio, La Guerre des Mondes? Ben oui. C'était en 1938. 1938. Je l'écoute encore une fois de temps en temps. Puis je trouve ça encore aujourd'hui tellement impressionnant. Ben oui. Chef-d'œuvre. Puis il a réussi à tromper tellement de gens. On va en parler de ça. Je vous le garde pour l'Halloween. Ah oui? Ouais. Pour l'Halloween, on va se faire du fun. 1977, Sinbad and the Eye of the Tiger, ou Sinbad et l'œil du tigre, va être l'avant-dernier film de la trilogie. Et aussi l'avant-dernier film que va réaliser Ray Harryhausen. Troisième film de la série des Sinbad, qui met en vedette Sinbad, qui doit aider un prince qui a été transformé en babouin. OK. Puis, il faut que le prince redevienne un prince avant une certaine date, sinon c'est sa belle-mère qui prend possession du royaume, et sa belle-mère, on découvre que c'est une sorcière, et donc elle utilise la magie pour réanimer des créatures mystérieuses et mystiques pour empêcher Sinbad d'aider ce prince babouin à redevenir humain. Bien sûr, les deux films vont avoir un gros box-office, mais cependant, malgré le fait, puis quand je vous dis un box-office, là, c'est genre le premier Sinbad que je vous ai parlé tantôt, le Golden Voyage of Sinbad, n'a même pas coûté $1 million à faire, puis a ramassé 16 millions au box-office international. Le troisième film de la trilogie a coûté 3,5 millions à produire, puis a ramassé 20 millions juste au continent américain. Là, on parle même pas au niveau mondial. Donc, ils font beaucoup d'argent. Malgré ça, à un moment donné, Schneer dit, écoute, là, on a l'œuvre des œuvres. C'est le top du top qu'on peut faire. mais on a besoin d'un gros budget pour faire ça. Et à ce moment-là, il y a un changement de garde à Columbia Pictures et on décide de dire, on lève le nez là-dessus. Par chance, MGM ramasse ça. Et MGM accepte de donner 15 millions de dollars à Ray Harryhausen et à Charles Ashnier pour faire ce film-là. Le plus gros budget de toute leur carrière. Et là-dessus, on va chercher une panoplie d'acteurs. Harry Hamlin, Judy Bowker, Burgess Meredith, Maggie Smith, Laurence Olivier, Ursula Andress. Tous ces acteurs-là, on les prend et on les fout dans un film qui va s'appeler « Le choc des titans », où on raconte l'histoire de Persée, comment Persée réussit à se battre contre les dieux, à se battre contre tout pour sauver Andromède et la mariée. Quel beau film. Et d'ailleurs, la méduse qui est dans ce film-là. Est le combat avec la méduse. Puis tu vois, dans ma tête, là, j'avais l'impression qu'elle parlait, mais t'as raison, non. Elle parlait pas. Puis je me souviens encore qu'il était à côté sur sa poutre. Puis il a pas le droit de le regarder, sinon il va se transformer en pierre. Puis avec, est-ce que c'est son bouclier qui regarde le reflet? Il y a un bouclier qui l'a jeté sur une statue. Oui. Parce qu'elle était à cause que le bouclier était comme aimanté. Il la jette et ça tombe dans les bras d'une statue puis il reste là et il fait passer sa réflexion dans le bouclier pour que la méduse pense que c'est lui. Ouais. Elle tire une flèche, la statue tombe et là elle s'approche pensant que c'était lui. Puis finalement, le personnage de Percé est caché derrière une statue et avec l'épée, il va lui trancher la tête. Mais écoute, le choc des titans... C'est 1981? 1981. Ça m'avait tellement fait peur, ce film-là. Et c'est dommage parce que le film a quand même coûté quand même 15 millions. On a ramassé 41, ça a été un succès monde. Mais l'avènement de Star Wars et l'avènement des nouvelles techniques d'effets spéciaux ont fait qu'à un moment donné, Ray Harryhausen et Schneer ont décidé de tout simplement arrêter, de mettre fin à leur carrière et de finir ça en beauté. Et je pense que c'était une très belle décision parce que veux pas, ce film-là était le summum. O'Brien, qui nous avait donné King Kong, est décédé à l'âge de 76 ans en 1962. Schneer, lui, qui est responsable de la majorité des films de Ray Harryhausen au niveau de la production, est décédé en 2009 à l'âge de 88 ans. Et Hausen, lui, nous a quittés en 2013 à l'âge de 93 ans. Il nous a laissé quelque chose d'extraordinaire entre les mains. Et vous savez, si vous pensez que le stop motion est fini aujourd'hui, oubliez ça, c'est pas vrai. Ça existe encore. Pensez à L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui. The Nightmare Before c'est Christmas. Vrai. Puis c'est un film de toute beauté. Un film de toute beauté qui est encore un film très populaire. Dans les canaux spécialisés pour enfants, il y en a beaucoup encore du stop motion. Oui, comment ça s'appelle? Wallace et Gromit se fait encore en animation 3D. Ouais. On a eu Chicken Run qui a été faite il y a pas longtemps. James and the Giant Peach. La mariée cadavérique de Corpse Bride. Oui, c'est vrai. Qui est faite comme ça. Quel bon film. Oui. Et tout récemment, on avait Frankenweenie de Tim Burton. Qui avait été faite, et aussi The Box Troll qui avait été faite en 2014. Donc, ça existe encore, l'animation stop motion, mais... On doit en avoir plusieurs, mais moi, j'en connais un Québécois qui a fait ça, puis qui a mis ses films disponibles sur YouTube pour ceux et celles que ça s'intéresse. Il s'appelle Patrick Bouchard, puis lui, il avait une mention de l'Office national du film du Canada. Puis il avait mis ça sur Internet, puis écoute, ça date de, je pense, 3 ans, sa grande réalisation, mais... Il a fait ça quand même en 2015. Il en fait encore aujourd'hui des petites réalisations. Puis tu te dis, il prend le temps de pratiquer cet art-là qui est incroyable. Et c'est de toute beauté à voir. Là. Quand tu sais le travail qu'il y a derrière ça, quand tu t'intéresses, quand tu as les petits détails que tu nous as donné le plus ce soir puis qu'on ne sait pas, c'est hâte de voir le travail qu'il y a derrière ça. Oui, puis pire que ça, il y a des gens qui se disent, wow, mais moi, j'ai jamais vu ces films-là. J'ai jamais vu ça du stop animation ou du stop motion. Pas vrai. Si vous êtes un fan de Star Wars... Épisode 5, l'Empire contre-attaque, les AT-AT sont faits en stop motion. Ah oui! Épisode 6, mon Dieu, comment il s'appelle donc l'espèce de créature que Luke combat au début du film? Ah, zut, le nom m'échappe. Excusez-moi. Mais en tout cas, cette créature-là qui est dans le palace de Jabba, puis à un moment donné, Jabba ouvre les espèces de crevasses, puis il tombe là, puis c'est le rencor. Le rencor, à un moment donné, il est fait en animation stop motion. Et donc, c'est un art qui est resté là, pareil. Il y a beaucoup de gars d'effets spéciaux dans ILM qui font des effets spéciaux par informatique. Ils n'auraient jamais fait d'animation 3D s'ils n'avaient pas eu le stop motion. Parce que ce qui les a fait partir dans le milieu, c'est tous ces films-là, les films fantastiques que sont Sinbad, que sont Le Choc des Titans, que sont Jason and the Argonauts. D'ailleurs, je me rappelle lorsque Ray Harryhausen a eu son Oscar pour sa carrière, parce qu'il n'y a pas eu d'Oscar pour aucun de ses films, Ray Harryhausen. Moi, je pense qu'Hollywood l'a boudé parce qu'il allait, il était allé rester en Angleterre au lieu de rester aux États-Unis, puis il a travaillé majoritairement sur le continent européen au lieu de travailler ici aux États-Unis. Et je pense qu'on lui a fait savoir en ne lui donnant pas les Oscars pour ces films-là, mais Ray Harryhausen, veut pas, a eu un Oscar à un moment donné, et c'est Tom Hanks qui, avec Dennis Millen de la compagnie ILM, qui ont donné l'Oscar, et Tom Hanks est arrivé et a dit, vous savez, on va me dire que Casablanca, c'est le meilleur film, on va me dire que Citizen Kane est le meilleur film, moi, personnellement, c'est Jason and the Argonauts. Ah ouais, mais Citizen Kane, c'est un chef-d'œuvre aussi. Là. Oui, mais tu comprends que pour cette génération-là, ouais. Pour des enfants de cet âge-là, Jason and the Argonauts, ou les films de Sinbad, ou même les films comme King Kong, ça le fait rire et ça le fait rire. Ça le fait vivre une expérience incroyable parce que on a cru qu'il y avait autre chose que du drame, que du western, que de la comédie ou que du policier, et que la fantasy, il y avait sa place aussi à Hollywood. Ouais. Citizen Kane m'avait fait écouter ça au cégep, j'étais tellement découragé. Ouais, Citizen Kane. Ouais, mais ça a l'air donc bien plate. Mais non. J'ai pogné un 2 minutes. Oh, j'ai pogné un 2 minutes. Harry Hamlin est toujours en vie. 66 oui. ans aujourd'hui. Oui. Je comprends pas pourquoi il a pas eu une grosse carrière au cinéma. Il était dans plusieurs séries, dans quelques téléfilms aussi, mais même pas 14 films. Non, carrière difficile parce que Harry Hamlin est un bon acteur, mais c'est aussi un acteur difficile. Mais remarque, avoir marié Ursula Andress, je me serais pas concentré sur les films moi non plus. C'est un fait. La première Bond Girl, et on revient à notre oui. origine. à notre conversation d'origine. C'était, oui. C'était pas un bon acteur, selon toi? Non, j'ai pas dit que c'était pas un bon acteur. J'ai dit que c'était un acteur très difficile. Okay. D'ailleurs, sur quand il a fait le film Clash of the Titans, à l'origine, il devait couper la tête de la méduse avec son bouclier. Et il a boudé le réalisateur, il est allé s'enfermer dans sa loge, et il a même fait en sorte que les autres gens sur le plateau de tournage, ils n'allent pas sur le plateau de tournage, tant et aussi longtemps qu'on dise, OK, tu prendras pas le bouclier pour couper la tête de la méduse, tu pourras prendre ton épée pour le faire. 14 films, ça, mais il a fait beaucoup de télévision, par exemple. Tu sais, Raph, t'es à Hollywood, pis t'entends un acteur se faire parler de même. OK. Ouais. Tu couperas pas la tête de la méduse avec ton bouclier. Tu vas pouvoir la faire avec ton épée. Puis tu vois l'acteur. Oh oui? OK, je vais y aller. Moi, c'est l'avant. Non, je fais pas ça. C'est incroyable. Des enfants. Mais tu sais, encore là, c'est Hollywood. Donc, t'as toujours le barème de dire que l'acteur a une visibilité. Donc, il veut pas que son personnage paraisse mal. Donc, si ça coupe avec un bouclier, ça a peut-être l'air plus niaiseux que si tu coupes avec une épée. Je peux comprendre son point de vue. Moi aussi, je pense que de couper avec l'épée, c'était peut-être mieux que de couper avec un bout de bouclier. Mais avec le bouclier, il faut que tu fesses plus fort. Ouais, c'est sûr. Il y avait peut-être pas les muscles pour aller si fort que ça. All right. J'adore ça. 9h57, est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Ben, moi, j'ai pour une fois que je rentre dans mon délai, je ne pense pas, là, je pense que j'ai pris tout le monde par surprise. Moi, je peux parler de plein de choses. Eh ben, tu vois, on a parlé d'Orson Welles tout à l'heure. Il y a un auditeur qui nous demande qu'est-ce que tu penses d'Orson Welles. Oh, Orson Welles. C'est un grand du cinéma ouais. qui, tout à la Hitchcock, tu lui dis pas quoi faire. Ah ouais? Non. Tu vas jamais dire à M. Welles, tu vas faire ça. Parce que M. Welles avait un caractère pour dire, sais-tu quoi? Je vais faire autre chose. Va te promener, là, puis moi, je vais aller dans une autre compagnie, puis je vais aller faire autre chose avec quelqu'un d'autre. C'est des artistes. Alfred Hitchcock était comme ça. Charlie Chaplin était comme ça. Charlie Chaplin, il pouvait commencer avec une badge d'acteur, puis quand il finissait le film, oubliez ça, il n'y avait pas un seul acteur qui était là à part lui. Il avait mis tout le monde à la porte, puis il avait engagé du nouveau monde, parce que ça marchait pas. Puis il avait changé toute son équipe technique, puis il avait mis du nouveau monde, ça marchait pas. Mais c'était des gens qui étaient torturés par l'intérieur. Là. Oui, mais ça donnait quoi? Chaplin en était un. Ça donnait quoi? Ça donnait des chefs-d'œuvre. Et c'est probablement les meilleures têtes d'Hollywood qu'on a eues dans toute l'histoire du cinéma. Ouais. Mais c'est des gens qui étaient opprimés parce qu'on voulait les contrôler, mais c'était des gens qu'il fallait pas que tu contrôles, fallait que tu les laisses aller. Savez-vous que Ray Harryhausen a jamais eu un réalisateur qui a dit quoi faire? Jamais, jamais, jamais. On lui a dit, v'là, on a besoin que tu nous fasses de quoi. Lui, il est parti sur des rap, puis il faisait ses affaires, puis il arrivait, puis v'là les séquences, puis tout le monde disait, oh, parfait, c'est ce qu'on voulait. Mais tu sais, c'est ça, quand t'as du talent,